Bonjour Véronica. Bonjour Vincent. Entre, entre, je t'en prie. Véronica, ma mère, Nathalie, mon père n'est pas arrivé encore. Bonjour Véronica. Bonjour madame. Ne dites pas madame, dites Nathalie, c'est plus simple. D'accord, merci. Ah, c'est pour vous. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, une bouteille de parfum. Chamel 15. Ah, c'est gentil, merci. Je vous en prie.